Bonjour à vous et bienvenue dans ce premier numéro de Flux URSS ou Dobry Dzień, comme diraient nos amis les Russes. Donc, Flux URSS, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'opinion, alors pas forcément politique, mais d'opinion en général, de vulgarisation et d'explication de concepts aussi. Ça viendra, vous verrez, il y aura des dossiers, des pastilles et d'autres joyeusetés que je vous montrerai et je vous ferai écouter en temps et en heure. Alors déjà, je vais rappeler le but. Donc c'est un podcast d'opinion, donc tout ce que je dirai, c'est moi qui le dis, sauf si je cite une personne, bien évidemment. En premier chef, je remercie mes amis Asto et Azertov, dans lesquels je dis plein de saloperies dans leur émission à eux. Et cette fois, c'est à mon tour de dire des saloperies dans mon émission à moi. Voilà, sans moi, je pourrais me lâcher. Et de quoi on va parler par contre aujourd'hui, nous allons parler du podcast. Et même pour être un petit peu plus précis, de la tournure du podcast, à savoir l'argent, tout ça, etc. Parce qu'on m'en a fait un petit peu la remarque ces derniers temps, voilà, tout ça, etc. D'où cette première émission, parce que j'étais pas censé partir là-dessus. Mais voilà, grâce à l'ami Tocheux, voilà, on va dire, je cite les noms, je vous fais cette émission. Voilà, donc le titre sera Podcast Autopsie d'un non-changement. Et on est parti à la fin de la musique, parce que je suis à deux doigts de la fin. Allez, c'est parti pour cet épisode. USSR. Vous aurez reconnu Monet de Pink Floyd. Vous verrez que ça n'a pas été choisi tout à fait par hasard. Alors nous allons commencer tout d'abord par un rapide état des lieux de la situation. Donc, je rappelle le titre podcast Autopsie d'un non-changement. Pour notre état des lieux, alors il faut savoir que depuis quelques mois, voire une petite paire d'années, nous voyons, outre un nouveau public qui s'intéresse au podcast, nous voyons surtout de nouveaux acteurs qui arrivent ou qui débarquent. Les nouvelles têtes lancent des nouveaux projets, pas forcément ultra différents de ceux qui existent déjà. Donc c'est souvent de ce qu'on appelle de la discussion, du talk. Hein, voilà. On a quelques nouveautés, tout ça, etc., qui existaient déjà avant. On a le streetcast, tout ça, etc. Voilà, il n'y a pas eu grande révolution pour l'instant. Voilà, je parle en tant que tel, hein, je reviendrai un petit peu plus tard quand même sur les quelques changements qu'il y a eu. Mais par contre, on sent qu'il y a une certaine dissonance avec les podcasts précédemment existants, parce que idéologiquement et philosophiquement, pardon, ils sont diamétralement opposés, et je vous expliquerai après pourquoi. Donc là où on va dire que c'est plutôt un début de réflexion, voilà, par rapport à cet état des lieux, donc pourquoi ils sont diamétralement opposés. Il y a d'autres explications, mais c'est l'explication la plus certaine. C'est là où pour certains, le podcast peut être une sorte d'exutoire, c'est une passion. C'est aussi un moyen de propager ça, ce que moi j'appelle communément la bonne parole. Elle n'est pas forcément bonne en tant que telle, mais voilà, c'est faire partager sa culture. Faire passer ses idées aussi, voilà, donc c'est son mot à dire. Moi je vois ça un petit peu comme une sorte de fanzine, voilà. C'est un moyen d'expression qui permet de sortir de son cercle personnel. Bon, vous voyez, moi quand vous écouterez cette émission, vous ne faites pas partie forcément de mes amis, vous ne faites pas forcément partie non plus de mes ennemis, hein, je l'espère, mais voilà, vous n'êtes pas dans mon cercle de proches en tant que tel. Je sais que certains l'écouteront parce qu'ils font partie de mon cercle de proches, mais pas tout le monde. C'est un moyen de propager ses idées. C'est ce que j'ai noté. Il est un autre outil. Voilà, c'est un autre outil de communication, mais lui qui n'a pas l'impact de l'image. Donc c'est voilà, ça se met au rang de la télévision, par exemple, même si certains d'entre vous la maudissent. Mais c'est aussi comme les journaux, tout ça, c'est un outil de communication, c'est un média. Pour symptomiser, pardon, je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même, toute cette incompréhension qui est entre les nouveaux et les anciens, j'aime pas cette expression, mais voilà, on va partir là-dessus, on va partir sur ce postulat pour ce podcast-là, hein. Ça a été le Paris Podcast Festival, voilà. Parce qu'en fait ça a été un peu le pas la goutte d'eau, certains diront, mais ça a été un petit peu l'élément déclencheur à un certain énervement qui était déjà latent chez les anciens, mais aussi chez les nouveaux, parce que, vous comprenez bien, je vous l'expliquerai après, les anciens commencent à me faire chier. Donc voilà. Et c'était, c'est bien de cela que je vais parler. Voilà, ce n'est pas le but n'est pas de venir descendre Paris Podcast Festival. Je n'ai foncièrement rien individuellement contre ces gens. C'est par rapport aux méthodes, tout ça que je contre les méthodes, tout ça que je m'insurge. Je ne vais pas, voilà, donc je vais pas continuer à m'étendre là-dessus. Voilà, hein, les gens, je vais vous parler de la sève, de pourquoi je vais vous discuter de tout ça. Voilà. Et je vais vous donner au final tout ça pour ramener à mon ressenti par rapport à l'évolution du média. Voilà. Tout d'abord, voilà, on va faire une petite analyse sommaire. L'un des principaux attraits, l'intérêt plutôt même qu'on porte maintenant au podcast, c'est qu'il représente surtout ce que j'appelle moi une terre vierge pour le plus grand monde en termes de médias. Voilà, c'est un média donc jeune et qui a été peu exploré. Là où nous avons un embouteillage sur les autres supports de communication, principalement visuels, comme la vidéo, les journaux, le print, je pense que vous vous êtes rendu compte. Hein. Vous savez que pas mal de ces médias que je viens de citer ont des gros problèmes structurels. Donc par exemple, la vidéo, c'est pas dire que pour l'instant le format dominant, et ça fera probablement chier certains, mais c'est la vidéo sans le son, hein, sous-titré, voilà, comme on voit sur Facebook ou sur Instagram, tout ça, etc. Les journaux, bon, ben, ils sont plus ou moins décriés, tout ça, etc. En ce moment, on va dire qu'ils ont pas mal de mal. Je sais, c'est pas terrible, mais c'est pas grave. À trouver un certain public pour la plupart, malheureusement. Et après, le print, bon, ben, ça, c'est l'impression. Donc, c'est tout ce qui est la publicité. Les 4x3, comment ça. Voilà, on en voit un petit peu de moins en moins, etc. C'est des métiers qui ont quand même pas mal changé. La radio. Le plus proche cousin du podcast est elle aussi embouteillée. Hein. Vous voyez bien, les bandes FM sont pleines. Il y a quand même. Voilà, c'est des radios qui se tiennent un petit peu les unes aux autres, tout ça, etc. On a des grands groupes et à côté de ça, on a quand même peu de radios qui sortent de l'ordinaire. Voilà, de la FM que je qualifierais pas d'amateur, mais voilà, je pense que vous saisissez l'idée. Mais le podcast, lui, malgré une audience plus réduite, parce que. Tout le monde n'a pas. Voilà, le podcast, ça reste un petit peu pour moi. Voilà, c'est une sorte de radio un petit peu différent. Hein, voilà, ce n'est que mon avis. Et donc, il a une diffusion. Il peut toucher une audience plus réduite. Parce que, en fait, avec la radio, tout le monde l'a dans sa voiture, tout ça, etc. C'est-à-dire que c'est quand même plus accessible. Il y en a plus un réflexe, quand même, je ne sais pas, radio. C'est vrai que, voilà, on va dire qu'on a, même pour les radios, même pour ce qu'il y a une radio internet, on a quand même beaucoup plus de, plus de facilité à prendre une radio traditionnelle, la bande FM qu'on capte partout, alors que qui a un poste pour écouter, par exemple, moi je sais que j'en ai un, mais pour écouter des web radios, voilà, sans avoir allumé un ordinateur, sans avoir allumé une bécane, ou un écran, ou sans avoir à brancher forcément sur mon smartphone de suite. Alors, je sais peut-être que certains peut-être un peu plus jeunes, donc qui ont un peu plus le réflexe, l'auront, mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas d'appareil dédié pour forcément facilement regarder ou écouter plutôt la radio. C'est un petit peu dommage. Écoutez Radium. Voilà, c'était la pub, parce qu'il fallait bien en faire une petite pub dans cet épisode quand même, qui n'est pas consacré à la pub. Donc voilà, on va dire que. Mais par contre, à contrario, voilà, il y a une diffusion à plus grande échelle. Si vous prenez de la radio sortie du cadre de l'antenne, si vous prenez une radio qui est située sur le coin d'Albi, par exemple, comme Albigès, ils ne vont pas diffuser jusqu'à Carcassonne, par exemple. Là n'est pas le but. Donc forcément, de suite, ils peuvent toucher sur leur territoire beaucoup plus de monde, mais voilà, dans la diffusion à grande échelle, c'est plus compliqué. Et ça permet aussi voilà, de sortir du cadre aussi de la radio, parce que la radio, il y a des codes, tout ça, etc. Si vous voulez passer de la musique, normalement, en passant sur les ondes, normalement, il faut rémunérer la SACEM, tout ça, etc. Je sais que nous, dans le podcast, on ne le fait pas trop, tout ça, mais voilà, il y a des cadres un peu plus. Voilà. Si vous voulez diffuser à la radio, il faut garder un backup de ce qui a été dit, tout ça, etc. Au cas où il y ait des bêtises de dites, hein, bien évidemment. Tout ça sur le podcast, c'est moins, voilà, c'est moins normé pour l'instant. Peut-être un jour ça viendra, mais pour l'instant, voilà, ça n'y est pas. Donc, voilà. On va dire que voilà. C'est un petit peu ce schéma qui a suivi aussi à une époque les vidéastes d'Internet. Voilà, ils se sont émancipés de ce qui était télé ainsi que cinéma pour faire des courts-métrages, moyens-métrages. Long-métrage pour certains, c'est plus rare, mais voilà, court et moyen-métrage. Et on en est arrivé, voilà, où maintenant sur YouTube, on a pléthore de choix différents par rapport à ce qu'on avait à la télévision. On a beaucoup plus de contenu de vulgarisation, par exemple. On a des. Et après, on a tous ces trucs qu'on aurait peut-être aimé oublier, les unboxing, tout ça, etc. Mais c'est des choses qu'on n'aurait pas vues à la télé, mais que Internet a permis de véhiculer. Pas que YouTube, j'y reviendrai plus tard. Et ce qu'on peut noter, c'est que en prenant de ce côté, le podcast aussi est assez simple à produire, parce que moi, voilà, j'ai posé un micro de bonne qualité, certes, et j'enregistre, voilà, je ne suis pas obligé de refaire de la balance de blanc, tout ça, de faire du raccord entre, comment ça s'appelle, entre plusieurs scènes, tout ça, etc. Bon, même si je fais que du parler, c'est pas hyper intéressant, mais voilà, on a quand même besoin d'un petit peu moins de moyens quand on fait de l'audio que quand on filme. Et l'audio, voilà, donc, et ça permet aussi, et surtout, je pense que c'est ça le gros point fort, une immersion là où d'autres médias ne peuvent plus suivre. Difficile de lire ou de regarder une vidéo en conduisant, ou dans les transports. Hein. Vous pouvez essayer, mais c'est pas recommandé. Voilà. Surtout en conduisant. En plus des raisons de praticité et de sécurité, forcément, l'ouïe est surtout moins invasive que la vue. Vous allez me dire de quoi je parle. Alors, par exemple, j'ai pris c'est un exemple, hein. Louis n'entre pas là-dedans, c'est la raison pour laquelle nous embrassons les yeux fermés, car la vue capte toute notre attention. Donc c'est pour ça, quand on... J'avais vu dans cet article qui parlait de ça, ils avaient mis, par exemple, des gens en train de faire des mots croisés assez compliqués, et ils leur envoyaient des micro-décharges dans les mains. Et ils se sont rendus compte que le ressenti des gens était moins fort quand ils étaient concentrés à regarder quelque chose. Donc ceci étant, voilà, ceci prouve bien quand même que la vue capte énormément de notre attention. Donc l'audio nous permet de, comme il est un petit peu plus simple aussi à écouter, il y a moins de sollicitations. On peut l'amener partout, on peut l'amener avec nous dans les transports, dans la voiture. Je mets de la musique sur mon MP3 par exemple, et je la diffuse dans ma voiture. Je peux me mettre mes écouteurs aussi dans mon bus de ville par exemple, et hop, je mets mes écouteurs et je peux écouter, et bien évidemment je peux ramener tout ça jusqu'au travail. C'est ce que j'ai mis. Le podcast peut donc plus facilement interagir avec d'autres tâches. Voilà, on peut faire le ménage en même temps, etc. C'est pour ça que certains des fois allument la télé pour le matin en déjeunant, tout ça, mais en fait il ne faut qu'écouter. Pour la plupart, ils ne ratent pas, voilà, quand on regarde, c'est compliqué, voilà, avec les oreilles, on peut capter, mais avec les yeux, si on ne rate pas l'écran, c'est plus compliqué de voir ce qu'on veut voir, voilà, alors qu'avec les oreilles, on capte un petit peu plus grand aussi, donc ceci peut-être explique cela, et c'est ce que j'ai souligné, voilà, que ça pouvait s'interagir avec d'autres tâches. Il est aussi un autre moyen de coloniser notre temps, par conséquent, parce que si vous voulez... Il peut, par exemple, il y a aussi un moyen chez certains de s'isoler sonorement dans un environnement bruyant. Je sais qu'en travaillant, j'écoute de la musique et j'écoute de temps en temps des podcasts. En fait, je produis plus de podcasts que ceux que j'en écoute. C'est un petit peu triste, mais c'est la vérité. En fait, c'est que, voilà, par conséquent, on peut... Qui regarde, par exemple, 2 heures de vidéo au travail, enfin, si on ne fait rien On peut, mais c'est voilà, c'est pas. C'est-à-dire que c'est pas le cas de tout le monde. Hein. Tout le monde ne va pas regarder 2 heures de vidéo au boulot. Alors que écouter 2 heures de podcast en faisant autre chose, ça reste quand même assez. C'est quand même, ça reste quand même voilà, beaucoup plus probable parce qu'on peut, on peut bouger sur son poste, tout ça, etc. Sans être concentré sur un point fixe. Et c'est ça, je pense, le gros point fort du podcast. Et c'est ce que j'ai noté, c'est, et c'est la plus grande force du monde de l'audio en général. J'englobe la musique, tout ça, etc. Les livres audio aussi en font partie, les sagas MP3, voilà, je ne suis sectaire avec personne. Et dans notre cas, donc, le podcast, il peut donc s'attaquer à des parts de notre temps qui sont autres que notre temps libre. Par exemple, quand je prenais l'analogie de la vidéo aussi, je pense pas qu'il y ait beaucoup de monde qui aille au cinéma pendant son temps de travail pour regarder un film. Alors que écouter une critique de film pendant le travail, c'est plus probable. Écouter un livre audio, c'est aussi beaucoup plus probable. Voilà, c'est ça que je veux parler. Donc forcément, il y a beaucoup d'études qui en ont parlé. Le temps de travail a un petit peu diminué ces 20 dernières années, à peu près. Par contre, le temps libre est resté un petit peu augmenté, mais ça reste fractionné à temps équivalent. Donc forcément, entre regarder un film, aller sur les réseaux sociaux, par exemple, parce que ça fait partie de notre temps libre, excusez-moi les enfants, voilà, une fois qu'on a fait tout ça, il reste finalement peu de temps. Donc voilà, donc le podcast peut être transversal par rapport à ces approches. Voilà, on peut en faire en travaillant, on peut en faire en passant le balai, on peut même faire du podcast en allant courir, en allant à la piscine par exemple, peut en faire, en écouter du moins. Donc de suite, voilà, il a quand même une très grande polyvalence. Tout cela permet de mettre le podcast en avant, forcément, auprès des annonceurs, parce que du coup, ils peuvent coloniser plus d'espace de notre temps, qui eux aussi cherchent à se démarquer avec des approches différentes pour séduire les consommateurs. Voilà. Les consommateurs, hein, je n'ai pas mis ce mot par hasard et je vais vous en parler tout de suite après. On est serré dans une caisse, passez-moi cette foutue maille. J'ai attendu 3 piges avant de réclamer les pépettes. Tout travail mérite salaire et me parle pas de caissière. J'en ai vu défiler comme le juge envoie les condamnés au bagne. Autrement dit, fais pas gaffe aux michetous. Autrement dit, fais pas gaffe aux types qui font de la merde. J'ai des amis dans le game, ils m'ont donné toutes tes fiches crocs. Autrement dit, fais pas gaffe aux plus quand je fais de la merde. Donc maintenant, je vais passer à mon analyse personnelle. Voilà, donc là, c'est vraiment mon ressenti. Hein. Si vous voulez gueuler, grand bien vous fasse. Donc, on s'en est arrêté au phénomène du podcast. Or, il est là, le nouveau phénomène du podcast, l'apparition de contenus et de plateformes directement à destination des annonceurs. Voilà, c'est ça le problème. Tout est fait pour les séduire et les conquérir. Il est là le changement d'approche. Quand certains étaient en train de parler de leur passion, et de donner une voix à ceux qui n'en ont pas. Dans la mouvance de la start-up nation et du disruptif, hein, comme ils disent, le podcast est le terrain des possibles, car beaucoup reste à faire. Là où il est compliqué de lutter contre YouTube ou contre les publicités de Google et Facebook, qui prennent énormément de parts de marché, tout ça, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Alors, par exemple, il permet du coup... Surtout, je l'ai pas dit, il permet du coup une relation aussi plus directe et sans intermédiaire aussi avec ses annonceurs. Voilà, je pense que ceux qui seront allés à ce festival, ceux qui auront vu le marketing autour, c'est un petit peu ça, avoir beaucoup plus de rapport avec les annonceurs. Voilà, l'annonceur n'est pas quelqu'un qui est loin, qui met sa pub sur Facebook et qui apparaît avec un AdWords magique. Voilà. Par contre, le problème avec cette approche, c'est que souvent, on a l'impression que l'auditeur est déjà conquis, ou alors il le sera forcément. Quoi. Donc, ils prennent directement l'étape au-dessus, donc ils vont directement conquérir les annonceurs. C'est ça qui me semble fou, moi. L'auditeur, du coup, n'est qu'un produit qui est déjà sur l'étagère. Vous, hein, vous, je parle bien de vous, vous êtes, en plus d'être un consommateur, vous êtes consommé. Voilà. Ce que je pense pour l'instant de cette approche. Cette croyance à l'arrivée d'auditeurs forcément conquis s'explique de plusieurs façons et elle a plusieurs dessins. Comme dit précédemment, le podcast se conjugue plus volontiers avec notre temps de travail, ton trajet est un libre. Un libre un petit peu moins, mais voilà, vous avez compris l'idée. Il y a une colonisation, on va dire, des esprits et des oreilles plus faciles. Il y a moins de concurrence parce que, que je sache, il n'y a pas énormément de concurrents. C'est-à-dire qu'on n'a pas un YouTube en face, on n'a pas un Netflix, on n'a pas un Facebook, on n'a pas. Enfin, si, on les a en tant que concurrents, ce qui mange de notre temps, entre guillemets, mais on ne les sait pas des concurrents directs. Voilà. Et par conséquent, il est vu du coup, par conséquent, comme un secteur en croissance. Voilà, parce qu'on a quand même de la place pour que beaucoup de gens nous écoutent, hein, parce que on demande pas à tout le monde d'aller faire un triathlon. Quoi. Voilà, c'est quand même un petit peu plus simple. Voilà, tout le monde et ça permet aussi d'arriver sur le lieu de travail, tout ça, etc. Donc c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de leviers qui peuvent être levés. Quoi. Car oui, les audiences augmentent malgré un effet de loupe. Hein. Je pense que quand je parle d'effet de loupe, c'est les articles qui parlent du podcast pour parler du podcast parce qu'il y a du monde qui écoute du podcast. Et quand ça parle d'audience, les mecs, de toute façon, c'est calculé n'importe quoi. Mais quand même, l'audience, je pense qu'elle augmente mécaniquement parce que on en parle un petit peu plus. Il y a de plus en plus de podcasts surtout aussi. Donc voilà, hein, il y a quand même une croissance. Voilà, ça évolue. Voilà, ça évolue. Voilà, il y a plus de gens qui connaissent tout ça, etc. Voilà, je ne vais pas vous ramener des chiffres pour vous ramener des chiffres pour dire qu'il y a de plus en plus de monde, ça j'en ai absolument rien à battre. Moi je pense qu'il y en a un peu plus. Voilà, ce que je vois, il y a des gens qui commencent à s'y intéresser, tout ça, etc. Voilà. On peut dire quand même que ça augmente. Alors, parce que des fois, parce que 1 plus 1, ça augmente, hein, c'est déjà pas mal. Alors parce que c'est 1 plus 2, ça, je sais pas. Ou c'est 2 plus 1, je sais pas. Voilà. Mais voilà, ça n'est que mon ressenti. Et ça, par contre, voilà, cet effet nouveaux médias, tout ça, etc., il y en a qui l'ont bien compris, c'est les journaux, et les journalistes en particulier, qui eux l'ont bien compris, et qui se sont mis à produire moult émissions. Je pense que vous l'aurez vu, hein. Je ne vais pas parler d'articles, et j'y reviendrai un petit peu après, d'articles parlant de journaux, qui parlent de podcasts, faits par d'autres journalistes, mais que... Voilà, parce que on va pas parler de. On va pas parler de. Ça va trancher, par exemple, pour citer des gens que j'apprécie. On va pas parler non plus de. Je sais pas. On va pas parler d'eux, quoi. Faut pas déconner, quoi, non plus. De toute façon, ils ne sont pas journalistes. Alors voilà, déjà. Ça, j'y reviendrai. Donc pourquoi aussi ils produisent des émissions? Parce qu'il permet aussi un travail journaliste plus long, qui contrebalance avec la capacité des gens à lire. Déjà, à lire, hein, parce que bon, généralement quand on lit, déjà, faut s'attarder à lire. Voilà, faut vraiment être concentré visuellement. Et le problème, c'est que souvent, les gens, en plus, ils lisent. Je dis les gens, je m'inclus aussi dedans. Hein, on lit souvent beaucoup de travers, beaucoup d'études l'ont montré, on ne lit que le titre. J'avais même lu un article, je me rappelle, c'est un article qui parlait que les gens lisaient de travers et qu'avait mis 90% des gens, ou je sais pas quoi, n'auront lu que le titre. Et d'ailleurs, ils avaient expliqué tout ça. Et c'était un article déjà, le titre était assez rigolo déjà, mais voilà, c'était bien, tout était bien présenté. J'essaie de rattraper parce que c'est écrit petit. Donc, par son format plus long qu'une vidéo aussi, voilà, donc il permet un travail journalistique plus long, comme j'en avais parlé plus en amont, et aussi plus simple, hein, parce que déjà, tout le monde n'a peut-être pas envie de se montrer dans une vidéo. Voilà, surtout si c'est pas une sextape. Bon, bref. Mais voilà, ça permet de tenir des sujets plus longs, tout ça, etc., avec un petit peu moins de moyens, on n'a pas besoin de refaire de l'étalonnage, tout ça, etc., on fait pas du champ contre champ, on n'est pas obligé de... Parce que c'est ça aussi qu'il faut voir avec la vidéo aussi, il faut un petit peu de dynamisme. Au bout d'un moment, si c'est pour mettre trois clampins dans un cadre, tu fais une photo, et puis tu mets de l'audio par-dessus, et puis l'histoire elle est réglée. Au bout d'un moment, ça ne sert strictement à rien si ça n'a pas de but avec un petit peu de visuel, de narration, tout ça même, etc. Parce que ça aussi, la vidéo est porteuse de narration, hein. Et ça, certains l'oublient, hein. Surtout quand tu vois les films comme ils sont filmés, la narration, des fois, c'est pas trop ça. Bref. Donc voilà, et ça permet, du coup, dans le podcast, l'émergence de nouvelles thématiques, hein. Je pense que... sans vouloir digresser, je me dis possible que certains... parler d'économie, tout ça, etc. Et c'est ce que j'ai mis qui était très peu ou pas abordé pour certains chez les historiques. Ça ne veut pas dire que chez les nouveaux, ils abordent tout non plus. Je pense qu'il y avait aussi des sujets de niche qu'a abordé des podcasts plus antérieurs et qui, voilà, n'ont pas forcément d'équivalent maintenant. C'est pas non plus. Je ne mets pas les deux de facto pour l'instant. Vous verrez dans mon analyse, je ne mets pas les deux en frontal de pur. ce qui a permis du coup l'apparition, j'ai pas dit beaucoup du coup, ce qui a permis l'apparition de podcasts faits par des femmes pour les femmes, genre la menstruelle, peut-être, je ne sais pas, les couilles sur la table, peut-être, je les cite comme ça, hein, pêle-mêle, je les connais pas tous, voilà, je vais pas tous les connaître. Hein. Et donc on a voilà maintenant on a pas mal de podcasts de femmes, fait par des femmes, pardon, pour des femmes qui sont nombreuses dans les rédactions journalistiques. Hein. Je trouve qu'il y a pas mal de femmes dans les. Alors, je sais pas si c'est la parité, je ne sais pas. Je sais pas là. Mais il y en a quand même plus que dans certains métiers. Donc, voilà. C'est de suite, voilà, on peut. C'est pas déconnant d'avoir des femmes qui parlent de sujets de femmes dans les rédactions, comme Mademoiselle, par exemple. Je ne sais pas, je cite ça comme ça. Alors, sinon, j'ai mis qui sont nombreuses dans les rédactions journalistiques et qui portent ces sujets donc à nos oreilles. Donc, sur les. Par exemple, un podcast sur les menstruations, par exemple. Voilà. Or, le podcast étant encore un médium en expansion, l'ouverture aux podcasts féministes, et après j'ai mis, vous allez voir, donc j'ai mis aussi les podcasts racisés, parce que oui, c'est arrivé. Hein, voilà, il y a un podcast sur Binge Audio, avec Rokhaya Diallo d'ailleurs, là-dessus, et autre terminologie que je classerai sous l'étiquette facile de progressiste, un mot qui veut tout et rien dire, permet d'atteindre aussi des nouvelles cibles, pas forcément en phase avec l'ancien monde podcastique. C'est ce que j'ai vu d'ailleurs dans un autre article. Je vous mettrai pas mal d'articles qui suivront ce podcast. Donc ça sera dans l'article qui suit ce podcast. Voilà, merci. Et vous verrez qu'il y a des trucs un petit peu. Voilà, faut un petit peu être accroché. Hein. D'ailleurs, faut pas avoir peur du mot digital. Faut pas avoir peur aussi comment ça s'appelle, le temps de cerveau disponible, parce qu'il apparaît dans un article et ce n'est pas ironique. Le temps de cerveau disponible apparaît dans un de ces articles, et à un moment on parle de podcast, et maintenant on nous dit qu'il peut y avoir un podcast pour une jeune femme noire, et qu'il peut y avoir aussi du podcast pour un Pakistanais. Voilà, donc c'est vraiment, on essaie d'aller conquérir des nouvelles cibles, qui n'étaient pas forcément en phase avec l'ancien mode podcastique, donc on va dire le cis blanc hétéro, hein, voilà, pour schématiser, je sais que ça fera gueuler certains au fond, mais j'ai un petit peu rien à foutre, mais c'est un petit peu la vérité quand même. Mais c'est aussi dans cet ancien monde de podcast, et c'est aussi, voilà, et c'est aussi par cette manière que l'ancien monde podcastique veut être mis sur la touche. Pourquoi ? En effet, la posture progressiste indique que d'autres personnes ne le sont pas. Ces conservateurs, voilà, seront mis au banc du podcast par l'évolution de la société promue par la doctrine progressiste. Tout ceci dans le but de créer un ascendant moral. Donc par exemple, voilà, c'est, je vous l'expliquer après. C'est, vous allez voir, c'est fin quand même comme analyse. Enfin, c'est fin, je ne dis pas que j'ai une analyse perfide, mais vous allez voir, il faut réfléchir quand même. Or, qui a l'ascendance morale a aussi voix au chapitre et rien de tel pour imposer ses conditions. Ils veulent être l'arbre qui cache la forêt pour en être le seul et l'unique interlocuteur. Invisibiliser pardon, les anciens en étant la référence. Le choix de sujet légitime mais clivant n'est donc pas anodin. Voilà, c'est ça. C'est le choix de sujet légitime mais clivant n'est donc pas anodin. Qui ira gueuler en disant « Oui, les podcasts sur les femmes, maintenant ça suffit hein, !» Par exemple, c'est presque pour paraphraser Nicolas Sarkozy avec l'écologie. Au bout d'un moment, l'écologie, ça commence à bien faire. Voilà, qui ira gueuler sur la légitimité des gens, voilà, donc une fois qu'on a pris ça là-dessus, forcément, on essaie d'avoir voix au chapitre, etc., au fur et à mesure, on grignote. Par exemple, je vous dis, pour voir comment vous allez réagir dans vos têtes, je sais que je n'aurai pas la réponse, parce que vous n'êtes pas avec moi, mais j'ai pris ce problème exprès pour vous, les gens. Je vais vous parler, par exemple, on a parlé tout à l'heure d'un podcast sur les règles féminines. Alors, je pense peut-être que chez certains, à part si vous êtes des gros réacs, hein, un petit peu comme G81, quand il est très très réac, peut-être vous avez des problèmes avec les podcasts sur les menstruations. Non, en fait, ça me va très bien, les podcasts sur les menstruations. Hein, c'est... Individuellement, on va dire que les podcasts que je cite, j'ai rien contre eux. Hein, c'est plus au niveau de la démarche tout au global, une fois qu'on a rattrapé les petits bouts ensemble. J'ai aucun problème avec ça. Par contre, si je vous parle d'un podcast sur les problèmes érectiles des hommes, peut-être que ça fera tiquer dans l'oreille de chez certains, probablement. Ils se diront, ah oui, non, mais quand même, il y en a marre de parler des problèmes des hommes, par exemple, etc. etc. Donc, vous voyez déjà, rien que ça, c'est une preuve qu'on peut mettre des sujets, pas au banc, hein, totalement, mais voilà, qu'on peut quand même avoir un a priori par rapport à ces sujets-là. Donc, si au fur et à mesure, on fait l'eau qui attaque la digue, et bien, au fur et à mesure, la digue, elle se pète la gueule. Voilà. Donc, aujourd'hui, en fait, on a... on a des gens qui phagocytent le débat, voilà, qui soient souvent journalistes, anciens journalistes hein, d'ailleurs pour certains aussi ça. On a des consultants et des marketeurs, main dans la main, chacun trouvant un intérêt au podcast. Pour les marques, c'est un support à bas coût, parce que on est dans un monde capitaliste, il faut toujours baisser les coûts, tant dans les moyens de production que dans la prospection pour diffuser leur propagande. Le journaliste s'est renoué avec des formats plus longs et plus qualitatifs. Voilà, on va dire que dans le podcast, il y a un petit peu moins de putaclic, hein, je pense, pour l'instant. On verra avec les années, mais pour l'instant, voilà, là-dessus, on en a encore un petit peu sauvé. Et je parle bien vraiment du putaclic vite fait consommé, quoi. Je vous parle pas d'un vieux article qui fait le buzz, de vieux podcast qui fait le buzz de temps en temps, voilà. Je parle de ça, quoi. Surtout, voilà, on a beaucoup plus de contrôle là-dessus, parce que vous voyez bien tout le pataquès qu'on a eu avec les articles référencés par Google, tout ça, etc., que tout le monde essaie de récupérer ses ronds, et derrière, on se retrouve à avoir des lois qui sont privatives pour les gens de bonne foi, qui essaient juste de faire un petit peu de choses créatives, un petit peu sur Internet, voilà, du contenu sur Internet, donc qu'il faudrait payer pour pouvoir mettre des liens hypertextes, mais ça fait tout complètement fou. Mais voilà, ça c'est les journaux qu'on fait le forcing pour avoir ce genre de trucs. Hein. Non, voilà, comme dirait Alain Soral, hein, faut pas le citer, mais c'est pas grave, il faut le savoir. Hein. Donc voilà, ah, qu'il est con celui-là aussi. Non, voilà, c'était ça. Et ça permet aussi, voilà, comme on a plus de contrôle aussi, on peut, comme sur un magazine en fait, hein, on peut aussi se remettre à déguiser la pub, donc on peut se refaire du publi-reportage ou carrément de la publicité en faisant des formats longs, hein, par exemple France Inter, je crois que c'était, qui avait fait une série sur Marvel, certes qui était de qualité, mais c'était un petit peu sponsorisé par Marvel, hein. Voilà, c'était pas pour faire la nique à DC, faut pas déconner non plus, là n'est pas la question. Donc en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec, aujourd'hui, on nous répète ad nauseum comme un mantra que le podcast, c'est l'avenir des marques. Voilà, parce que moi, de tous les articles que j'ai lus, hein, à chaque fois, c'est les marques, on nous surine avec les marques, elles sont partout. C'est à croire que c'est l'alpha et l'oméga, les marques, les annonceurs, on ne va jamais marquer auditeur nulle part. C'est assez impressionnant, c'est vraiment portion congrue. En fait, l'auditeur, il est là un peu, le mec qui passait par là, voilà, c'est un peu la pub qu'on te met dans la boîte aux lettres, quoi, en fait. T'as pas demandé grand-chose, mais on te met des pubs dans la boîte aux lettres, on te bourre la boîte aux lettres. Là, c'est pareil, on va venir te bourrer les oreilles. Faut quand même faire un acte d'aller chercher les podcasts, mais t'as vraiment l'impression que je sais pas. C'est les mecs, j'ai pas l'impression qu'ils sont déconnectés, mais c'est vraiment bizarre, quoi. Mais malgré tout, ce qu'il faut noter, c'est que le statu quo, par rapport à la presse actuelle, il n'est pas forcément bouleversé, en fait. Parce qu'en fait, on a toujours on a l'impression que les journalistes, ils vivent de la rente publicitaire, c'est assez impressionnant, quoi. Moi, j'ai pas l'impression que le truc a changé, quoi. Entre les mecs qui mettaient sa pub sur Facebook, où on fait passer une pub Renault dans le journal, enfin, on se demande pas si le podcast n'est pas plus invasif, même. C'est ça qui est fou. Parce que les mecs, du coup, ils se mettent à dépendre de quelques annonceurs, et derrière, encore une fois, on l'a vu aussi avec Binge Audio, quand il y a eu une levée de fonds des Échos et de je ne sais pas qui, on a aussi quelques milliardaires à mal de reconnaissance, et qui veulent aussi s'approprier tous ces nouveaux médias, dont le nouveau média que constitue le podcast, quoi, pour eux. Et quand on voit, par exemple, que dans Le Figaro, quand Feu Serge Dassault était condamné, qu'on voulait faire sauter son immunité, et ben ça faisait pas la une sur les autres journaux, mais on avait quand même un bel article, sur Le Figaro, qui était la propriété de Serge Dassault, et ben ça faisait à peine une colonne. À peine une colonne, c'est-à-dire que moi j'aurais même plus compris qu'ils n'en parlent pas qu'ils fassent une colonne, quoi. Ça prouve vraiment le foutage de gueule que ça correspond. Donc faut pas croire que certains milliardaires à mal de reconnaissance comme les Xavier Niel, tout ça, etc., n'ont pas essayé de venir aussi chercher leur obol dans le podcast en espérant que peut-être un jour il se passe un truc. Voilà, c'est ça, il y a du péril là-dedans. Je vous dis, les enfants, il y a du péril. Et en parlant de gens à mal de reconnaissance, on a aussi, bon, ça c'est pareil, c'est folklore. On a les gens qui essaient de monter leur réseau pour essayer de gagner de l'importance, voilà. Et aussi ces gens qui parlent du podcast, qui font un podcast pour parler encore d'autres podcasts. Alors ça, c'est pareil, c'est une espèce de mode, je sais pas, ça a toujours un petit peu existé. Mais à une époque, on aurait pu se dire que c'était vraiment pour faire découvrir, voilà, c'est une sorte de zapping. Mais des fois, en même temps, j'ai l'impression que les mecs, c'est, en fait, on invite le copain, comme ça, le copain, oh là, on lui donne une belle audience, tout ça, etc. On lui donne une belle importance, comme ça, le copain, peut-être la prochaine fois, il nous fera passer dans l'une de ses émissions ou il nous invitera, je sais pas où. Oh, non, mais c'est, faut se calmer, les enfants. Wow. C'est vraiment l'entre-soi le plus. Voilà, c'est l'entre-soi et la connivence, pour moi. Et ça, c'est pareil, ça appuie, ça va. C'est pas tout à fait le même, mais pour moi, ça va dans le même sens, parce que c'est énormément de connivence, en fait. Et c'est ça qui me gêne aussi. Car pour moi, c'est cette... Vous voyez, on voit quand je lis mon texte. Car pour moi, c'est cette grande connivence qui s'attaque à notre média, ni plus ni moins, j'irais même plus loin. Elle s'attaque donc à un commun, pour le faire tendre vers une sibyllie privatisation entre les mains de quelques puissants. Le podcast, média d'Internet, est à l'image de bien d'autres sur Internet. Par exemple, donc on a YouTube, j'ai mis le tout puissant YouTube et le titanesque Netflix sont les résultats de la privatisation des communs. À une époque, on pouvait, facilement, YouTube est arrivé en proposant une qualité qui était propre, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre facilement des vidéos sur Internet. Voilà. Là où à l'époque c'était un peu une tannée. Maintenant, aujourd'hui, on en est arrivé avec HTML5 où on pourrait facilement mettre des vidéos sur son propre site. Les gens ne le font pas, parce que déjà, les vidéos prennent un petit peu de place, hein, déjà aussi, rien que ça. Donc c'est vrai que sur OVH, on disait qu'on pouvait mettre beaucoup de podcasts, par exemple, ben on peut stocker un peu moins de vidéos, par exemple. On peut stocker plus d'audio que de vidéos. Mais là n'est pas le problème. Et du coup, ben, finalement, quand les gens veulent poster une vidéo, maintenant, ben, ils vont sur YouTube. À chaque fois, YouTube nous fait la dégringolade de... J'essaie de te diquer sur les publications de tes vidéos, tout ça. Forcément, toujours avec derrière de la rémunération. Parce que les gens s'étaient engouffrés et puis voyant qu'ils pouvaient faire 4 sous, ils se sont dit, bon, on va rester. Hein. Écoute, on peut se faire 4 sous. Et puis finalement, à chaque fois, YouTube, le couperait. Les mecs, ils gueulent à chaque fois. Oui, c'est pas bien. Vous nous enlevez des sous, mais les mecs, ils restent. Donc, bon gré, mal gré, bah, à chaque fois, bah, YouTube, et bim, bim, bim, bim, bim. Sachant que maintenant, même YouTube a même l'outrecuidance. De demander aux vidéastes, à ces gens qui font des vidéos, de se battre contre des réformes qui, finalement, eux, ça va pas beaucoup les affecter, les vidéastes, en fait. Mais, par contre, YouTube, eux, ça risque de les faire chier. Donc, alors, ils demandent aux vidéastes de, quand même, voilà, si vous pouvez venir sonner le tocsin avec nous, ce serait bien. Bon, par contre, voilà, pour te la mettre à l'envers, pour t'envoyer des strikes, en veux-tu, en voilà, pour un bout de truc qui ressemblait à quelque chose avec le Content ID, là, par contre, ils sont beaucoup plus vénères. Et Netflix, j'en parle pas, c'est des mecs qui s'endettent ad vitam aeternam, hein, voilà, pour faire des séries de qualité, ma foi, plus ou moins aléatoires. Et finalement, pour essayer de, voilà, c'est un petit peu pour faire la nique à qui voudrait émerger. Bon, c'est vrai que nous, on rigole avec notre France Télévisions, tout ça. Mais qui tu veux qui puisse vraiment émerger à côté de ça, quoi. Parce que déjà, faire de la vidéo et des séries, tout ça, etc., c'est que ça demande énormément de moyens. En fait, Netflix, c'est de nous faire c'est la stratégie de la terre brûlée, quoi. C'est en fait, et les mecs, ils essaient de tout cramer ailleurs, partout, à droite, à gauche, et de se monter eux-mêmes, en s'endettant. Mais un jour, je pense que ça leur retombera sur le coin de la figure, parce que je sais pas avec quel argent ils se montent. Mais un jour, si les taux directeurs des banques ils augmentent, eh ben, je pense que chez Netflix, ils feront moins les malins. Et tout ça, hein, sachant que ça coûte aussi un prix que chi, quoi. Tu peux regarder je sais pas combien de séries pour quoi. C'est même pas, à peine au-dessus d'un prix d'un cinéma. Même peut-être même que certains cinémas sont même plus chers. Non, mais c'est délirant. Enfin, je sais pas où c'est qu'on va, mais c'est fou. Et donc du coup, des gens essaient de faire ça, voilà, aussi avec le podcast aussi. Ils essaient de faire des plateformes privatives et dans l'espoir de comme ça, tu seras obligé de te taper le train de pub, tout ça, etc. Parce qu'on ne va pas faire payer encore pour des podcasts, mais peut-être qu'un jour, certains y réfléchiront. Et donc pour moi, tout ça, c'est un commun. La mise de vidéos sur Internet, c'est donner son avis sur Internet, quelque chose qui est vraiment, pour moi, c'est la base, c'est vraiment la base d'Internet. Et bien tout ça, à chaque fois, ça passe par des trucs privatifs, parce que, voilà, on a aussi fait qu'à une époque, voilà, ça, tout se rejoint, hein, on a mis des logiciels privatifs, donc à savoir Windows, tout ça, etc., où les gens sont devenus complètement, passez-moi le mot, ils sont devenus complètement chèvres devant les ordi, quoi. Aujourd'hui, maintenant, faire un copier-coller, pour certains, ça s'apparente pas à un exploit, mais presque. J'ai peut-être dit ça parce que moi je fais du code, mais encore je suis loin de pouvoir coder un système d'exploitation, excessivement loin. Mais en fait, les gens, on leur a appris que l'ordinateur c'était un peu magique, quoi. Alors, on avait la tablette et le smartphone, on est même allé encore plus loin dans les délires. Aujourd'hui, on se dit c'est pas possible, quoi. C'est complètement déconnant, quoi. On est arrivé à un point où il y a beaucoup de gens qui pensent savoir faire, mais je pense qu'il y en a très très peu finalement qui savent faire. Donc on en arrive là, en fait. Là, on essaie de torpiller un commun qui est vraiment, pour moi, pas la liberté d'expression en tant que telle, parce que c'est un mot un peu qu'on utilise à toutes les sauces, ça pas une expression, mais pour moi, voilà, c'est un commun qu'on torpille, quoi. Et pour moi, le podcast tel que le voient ces gens-là, hein, pour moi, ça reste est une bulle spéculative. Voilà. Mais pour moi, le podcast, c'est tout autre chose, c'est un loisir et c'est un plaisir. Quand certains vont au hockey, hein, je prends ça par exemple, moi je fais du podcast pour le partage, voilà, parce que moi c'est ça, parce que moi quand je veux parler, certes c'est pour améliorer ma diction, tout ça, etc., pour parler de sujets qui me plaisent, mais c'est vraiment pour le partage. Or c'est bien cela qui manque dans cette nouvelle définition que l'on veut donner et nous imposer au podcast. Toujours les mêmes recettes du sempiternel capitalisme moderne. Nous sommes sur un cheval fou qui nous entraîne vers les abîmes et d'aucuns l'attisent pour qu'il aille encore plus vite. Le monde nouveau n'est qu'une ressucée de l'ancien, les costumes laissent place au Stan Smith, mais l'idéologie reste la même, coloniser et s'emparer des richesses d'un territoire. Le podcast, comme bien d'autres, est l'une des victimes de ce fléau. Le péril écologique, alors je sais que je faut rattraper les wagons, mais le péril écologique devrait nous faire réfléchir sur les inclinaisons que nous donnons à nos vies et comment nous les remplissons. Pour moi, il est hors de question de laisser de la place à des arrivistes, à des opportunistes, à mal de reconnaissance et surtout de deniers. L'argent et la gloire ne sont qu'une illusion qui tendent à nous corrompre. Nous devons être porteurs d'un message, celui du partage, du respect et de la fraternité. Pour moi, c'est un peu ça. Voilà. Ce que je vois derrière tout ce barouf, hein, parce que c'est quand même beaucoup de barouf pour l'instant, espérons que ça reste du barouf, c'est que le message que véhiculent ces gens est quand même assez... c'est les mecs qui sont en costard, ils sont bien, ils sont chicos, mais ça fait des années et des années et des années qu'on a ce genre de discours avec des grands mots, tout ça. Bientôt, ils vont nous monter quoi, le MEDEF du podcast, peut-être. Ils vont appeler Pierre Gotoz, peut-être. Non, mais c'est Pierre Gattaz, je fais un petit jeu de mots. C'est complètement délirant. Encore qu'il y ait des gens qui fassent des Patreons, hein, pour certains, pour demander 4 deniers pour un petit peu, voilà, pour pouvoir arrondir les fins de mois. Mais voilà, enfin, chacun après, c'est des dons. Donc voilà, si vous voulez prendre votre communauté aussi pour des pigeons en leur demandant trop de dons ou en les faisant pleurer pour qu'ils vous fassent des dons, bien à vous. Mais c'est différent. Alors que là, vraiment, c'est vraiment les gens qui viennent pour faire rentrer de la pub, pour utiliser des vieux schémas qu'on a vus ailleurs et qui sont cassés la gueule, hein, parce que vous regardez bien les journaux, ça marche sans trop, vous voyez bien la presse aussi sur internet, ça marche pas trop, les vidéastes, c'est pareil, ça, voilà, c'est compliqué, quoi, ça va demander des trucs au CNC après, bon, ça, tout ceci est une autre question, mais voilà, c'est pas des schémas qui marchent à fond, quoi, quelqu'un l'avait mis, hein, aussi, que ils font comme ils ont fait, quand je parlais de commun tout à l'heure, c'était quelqu'un qui l'avait mis sur Twitter, alors je sais plus son nom, mais c'est pas grave, je le remercie d'ailleurs pour cette remarque, que je trouvais très intéressante, que en s'appropriant un commun, en fait, ils ont fait comme, comment ça s'appelle, Blablacar avec le covoiturage, voilà. En fait, le covoiturage, c'est une sorte de bien commun. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te voir en te disant hey, « Eh, attention, le covoiturage, attention, hein, faut passer par notre plateforme pour en faire. » Tu aurais fait ça il y a 20 ans, ça aurait fait un peu rigolo. Ben maintenant, le problème, c'est que ces plateformes ont pris tellement d'importance qu'en fait, elles sont devenues leaders presque morales, toi. Tu te dirais presque, bon, si je veux quelqu'un dans ma voiture pour covoiturer, il faut que je passe par Blablacar ou un copain. Si je veux rentrer chez moi, il faut que je prenne un Uber. Et que des trucs comme ça, quoi, en fait. En fait, c'est des choses qui... et c'est ça, je pense que c'est aussi ça, l'un des gros problèmes aussi. C'est que des choses qui, au départ, paraissent être un choix individuel, par exemple l'utilisation du téléphone portable, à une époque, ben maintenant c'est devenu des normes sociales. Ou la voiture, c'est pareil. Aujourd'hui, comment on peut faire, entre guillemets, hein, on peut faire sans, hein, mais voilà, c'est quand même compliqué de faire sans smartphone, par exemple. C'est compliqué de faire sans voiture. Surtout comme nous, on est en province, hein, voilà. Parce qu'on est que des provinciaux aussi. Et d'ailleurs, pour un petit aparté, quand je parlais de connivence aussi, tout ça, ça va très bien aussi avec le monde du parisianocentrisme. Mais je pense que j'y reviendrai dans probablement une autre émission, parce que j'ai beaucoup à dire encore sur le podcast. Mais je pense que pour une fois, je vais m'arrêter sur les points que j'ai éclaircis ici. Donc, ces normes sociales, en fait, voilà, c'est qui s'imposent, voilà, ça peut arriver dans le podcast. Et c'est ça que j'ai... En fait, si vous voyez, tout se reboucle en force, hein, ça, hop, hop, hop, à ricocher. C'est ce qu'ils essaient de nous imposer, quoi, nous faire croire que l'argent, c'est logique, tout ça, etc. Mais voilà, encore une fois, ceux qui veulent vraiment... Encore si c'était pas vraiment gênant de se faire de l'argent pour son bon plaisir. Le problème, c'est que moi, je trouve que ça véhicule une image de la société qui est très, très passéiste, quoi. Dans cette émission, j'y reviendrai, je parlerai un jour d'écologie. Planquez-vous derrière les quatre buissons qui existent encore, parce que je vais y aller franco du collier, hein. Parce que moi, franchement, ces images passéistes là, alors qu'on pourrait imaginer vraiment une autre société. Alors, je dis pas que c'est simple, hein. Je dis pas, on va pas se lever un matin avec une épiphanie. Ah, mais en fait, faut faire ça et miracle, le podcast va être sauvé, la planète va être sauvée, encore mieux. Ça serait formidable. La vie animale, la vie des plantes, la vie des microbes sera sauvée. Putain, je serais heureux. Mais voilà, au bout d'un moment, faut arrêter, quoi. Bon, bah écoutez. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus. Moi, ce que je voulais diffuser, voilà, c'est qu'il faut rester... faut avoir notre propre probité. Voilà, nous, on n'est pas... faut pas avoir de syndrome d'infériorité, tout ça, etc. Moi, je pense qu'on peut vraiment être porteur d'un autre message. C'est déjà un petit peu le message que véhiculaient les historiques du podcast, hein, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, le partage, le respect, la fraternité, parce que c'est des valeurs qui se perdent un peu, mais on en a encore dans le podcast, hein, d'ailleurs je me suis fait des bons amis avec le podcast, mais voilà, pour moi c'est des valeurs maintenant qu'il faut brocarder, pour de vrai, quoi. Faut pas en avoir honte, je pense pas qu'on en avait honte, mais je pense qu'il faut vraiment, voilà, c'est des valeurs qu'il faut diffuser, tout ça, etc. C'est pour ça inviter des gens dans vos émissions, ça fait toujours plaisir, tout ça, etc. Moi, je vais essayer d'ouvrir un petit peu plus la porte dans mes émissions, tout ça, etc. Et d'ailleurs, j'espère que bientôt j'aurai à vous proposer dans cette émission une sorte de droit de réponse, hein, comme dirait Francky Vincent dans son restaurant. Voilà, pour qu'on puisse communiquer entre nous, voilà, que vous puissiez amener votre pierre à l'édifice. Si vous avez quelque chose à dire contre moi, ou pour aller dans mon sens, ou pour amener une précision, ou pour amener un autre aspect aussi, voilà, moi je vais essayer de rajouter des strates à cette émission pour qu'on puisse parler d'autres choses, tout ça, etc. Bon, bah écoutez, donc c'était Flux RSS. Je vous remercie pour l'écoute de ce premier épisode. Alors moi je fais même pas de pilote, hein, je sortirai que le premier épisode, je suis one again to beast to fly, quoi. C'était donc @Gandalf80 sur Twitter. Cette émission aura comme à mon habitude, une régularité nulle. C'est-à-dire que il y aura probablement d'autres épisodes. Alors quand est-ce qu'ils seront là, je sais pas. Non, bah écoutez, je vais vous laisser réfléchir sur le podcast, tout ça, etc. Pensez bien que le podcast n'est qu'un reflet de la société, notre société globale, voilà. Je vous invite donc à y réfléchir avec sérieux et ne pas vous laisser intimider ou ne pas même tomber dans les lumières de la ville, hein, parce que... le diable met toujours ses plus beaux habits quand il vient vous parler. Voilà. Bon, écoutez, c'était donc Gandalf 81 et qui vous dit à bientôt dans Flux URSS. Au revoir. USSR.